François Morel, c'est à vous. Je voulais répondre ce matin à Monsieur François Rollin, chroniqueur à France Inter, au sujet d'une polémique qui fait suite à un courrier de Madame Lelay, Odette Lelay, concernant son congélateur. Je le ferai, soyez-en sûr, dans les semaines qui viennent. Je ne suis pas du genre à fuir la controverse. Monsieur Rollin ne perd rien pour attendre. Ma réponse est déjà prête. Elle est actuellement lue par mes différents conseils et avocats afin qu'aucune parole que je prononcerai ne puisse donner matière à procès et complications procédurières. Je préfère prendre mes précautions avec le sieur Rollin, les révélations que je n'hésiterai pas à faire sur les rapports qu'il entretient avec le gros électroménager risqueront de ne pas passer inaperçus. Monsieur Rollin, sans doute par envie, tant ma cote de popularité est énorme, notamment auprès de mes supérieurs hiérarchiques, a cru bon de m'appeler le chouchou. Rancœur, amertume, Monsieur Rollin serait certainement surpris d'apprendre que je n'hésite pas à m'exprimer parfois avec la plus grande liberté, voire avec la plus totale insolence, et ceci même vis-à-vis du président directeur général de Radio France. Monsieur Mathieu Gallet lui-même pourrait en témoigner. Samedi dernier, tandis que je passais mon après-midi à nettoyer sa Jaguar dans le parc de sa propriété, m'apercevant que ses jantes avaient été salies par une boue calcaire et particulièrement prégnante, je me suis permis de lui signifier, avant de les lui astiquer, « Dites donc, monsieur le président, je ne sais pas comment vous avez fait votre compte pour salir votre voiture à ce point. Comment vous avez fait votre compte pour salir votre voiture à ce point ? Voyez que je ne mâche pas mes mots, voyez que je n'emprunte pas les chemins de traverse pour exprimer tout à trac une parole claire et frontale et volontiers impertinente. J'aime autant vous dire que monsieur le président directeur général en est resté comme deux ronds de flanc. Alors je sais que certains, sous prétexte que je passe tous mes week-ends chez monsieur Gallet, m'occupant de ses chevaux, de ses affaires, de ses chasses, ne pourront pas s'empêcher de m'accuser d'être un jaune, un salaud, un social traître. Quelle médiocrité ! Les rapports ainsi que les limousines de collection que j'entretiens avec monsieur Gallet sont parfaitement clairs. Je lui rends quelques menus services en échange d'un refuge qu'il m'octroie au fond de son parc, dans une cabane en bois où je peux tout à loisir profiter du bon air chaque fin de semaine, loin de la pollution citadine. Je connais bien Monsieur Gallet, c'est pourquoi je trouve déplacé le procès que lui font certains syndicats, toujours mécontents, toujours revendicatifs, toujours grincheux au sujet de la rénovation de son bureau. Quant au moment où Radio France cherche 50 millions d'économies et le moyen de compenser un déficit de 21,3 millions d'euros, Monsieur Gallet rénove son bureau pour 105 000 euros. Quand il fait restaurer les boiseries en palissandre, quand il remplace une moquette neuve par une moquette encore plus neuve, je suis bien d'accord avec Madame Catherine Sveur, la directrice générale de Radio France, qui dit que ces dépenses n'ont rien d'excessif. D'ailleurs, n'est-ce pas le personnel de nettoyage qui, chaque fois qu'il ira faire le ménage dans le bureau présidentiel, sera le premier à en profiter ? Et ce François Rollin qui me traite de chouchou ? Non mais quel jaloux ! François Morel, et donc la réponse de Rollin mardi prochain peut-être sur cette antenne.